Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 6 décembre, nous souhaitons une bonne fête au Nicolas. Nous avons plusieurs dictons aujourd'hui, on commence avec celui-ci. L'hiver est souvent là dès la Saint-Nicolas, neige à la Saint-Nicolas donne froid pour 3 mois, nouvelle lune à Saint-Nicolas, dans les champs c'est du verglas, Saint-Nicolas fait les bons mariages, guérit de la fièvre et de la rage, Saint-Nicolas marie les filles avec les gars, ou encore Saint-Nicolas plume ses oies pour des mois, l'hiver est là. Dans les célébrations internationales, c'est la fête de la Saint-Nicolas, célébrée dans de nombreux pays d'Europe du Nord et de l'Est. En France, c'est dans le Nord et le Nord-Est. Il y a également en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et enfin Suisse. En Argentine, c'est la journée nationale du gaucho. Au Canada, journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. En Espagne, c'est le jour de la Constitution commémorant le référendum de 1978 qui a approuvé la Constitution actuelle. Et en Finlande, c'est la fête nationale. Et dans les événements qui se sont déroulés un 6 décembre, en 1917, indépendance de la Finlande. Tout de suite, on fait une première pause avec REM et leur titre « Everybody Hurts ». Le groupe REM sur RGM. Il est un peu plus de 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés donc un 6 décembre 1929, naissance de Philippe Bouvard, journaliste français, humoriste, présentateur radio et télé, également écrivain, auteur de théâtre, dialoguiste au cinéma. Il a présenté de 1977 à 2014 l'émission culte Les Grosses Têtes. 1953, naissance de Tom Hulce, acteur américain connu pour son rôle de Wolfgang Amadeus Mozart dans le film Amadeus. 1956, naissance de Peter Buck, musicien américain, guitariste du groupe REM. 1963, naissance de Stéphane Guillon, humoriste français. 1967, naissance de Judd Apatow, réalisateur, scénariste, producteur américain, producteur de la série Freaks and Geeks et producteur, scénariste et réalisateur des films 40 ans, toujours puceau, En cloque, mode d'emploi et 40 ans, mode d'emploi. 1976, naissance d'Estelle Denis, journaliste, animatrice télé française qui a présenté l'émission 100% foot, 100% mag, touche pas à mon sport et maintenant elle présente l'équipe d'Estelle. 1978, naissance d'Arnaud Ducré, comédien humoriste français, vu au cinéma dans Les Profs 1 et 2 dans le rôle d'Éric, le prof de PS, Amour et Turbulence, Adopte un veuf, L'embarras du choix, Les nouvelles aventures de Cendrillon, Gaston Lagaffe, on l'a vu dans la saison 6 de Fais pas ci, fais pas ça ou encore dans la série Parents mode d'emploi dans le rôle de Gabi Martinet. 1980, de naissance de Ryan Carnes, acteur américain, connu pour son rôle de Luca Stansbury Jones dans la série Hôpital Central et son rôle de Justin dans Desperate Housewives. C'est également l'année de naissance d'Alberto Contador, cycliste espagnol, champion d'Espagne du contre-la-montre en 2009. Il a remporté 7 grands tours, le Tour de France 2007 et 2009, le Tour d'Italie 2008 et 2015 et le Tour d'Espagne 2008, 2012 et 2014. 6 classements annexes de grands tours, le classement du meilleur jeune du Tour de France 2007, le classement du combiné du Tour d'Espagne 2008 et 2014, le prix de la combativité du Tour d'Espagne 2012, 2016 et 2017. En course par étapes, il a remporté le Paris-Nice en 2007 et 2010, le Tirreno-Adriatico en 2014 et il a remporté 10 étapes de Grand Tour, 3 sur le Tour de France, 7 sur le Tour d'Espagne. 1988, naissance de Walidia, comédien humoriste français découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire, vu à la télévision dans la série Commissariat Central, Les Chamois ou encore Scène de ménage. Et au cinéma dans À toute épreuve, Père-fils thérapie, L'Ascension et plus récemment Taxi 5. C'est également l'année de naissance de Sabrina Ouazani, actrice française vue dans L'Esquive dans le rôle de Frida, Fauteuil d'orchestre, La graine et le mulet, Des hommes et des dieux, Tout ce qui brille dans le rôle de Sandra, De l'autre côté du périph, Pattaya, Taxi 5 dans le rôle de Samia Maclouf. Et en 2019, Jusqu'ici tout va bien dans le rôle de Layla. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Clara Luciani et le titre Ma sœur. Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Décidé. Clara Luciani avec le titre « Ma sœur » sur le 107FM. Un peu plus de 8h44, non il est même pile 8h44, je dis des bêtises, c'est bientôt le week-end. Allez, on parle météo. La météo. Ce sera encore aujourd'hui du soleil avec un petit peu de nuages et le retour de la pluie en soirée. Des températures comprises entre moins 4 et moins 3 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour cet après-midi. Samedi sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés l'après-midi. Pour dimanche, ce sera des nuages avec par-ci par-là de la pluie, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et oui, deux Marseillaises en deux jours, ça valait bien ça avec le biathlon, l'individuel féminine hier et la victoire de Justine Brezaz et la très belle troisième place de Julia Simon. S'est interposée entre nos deux Françaises, Julia Zima. Dorothea Wierer, elle, s'est classée septième. Les autres Françaises, belle 26e place pour Chloé Chevalier. Ensuite, ça a été plus compliqué. Célia Emoni a terminé 59e, Anaïs Bescon 61e. Et Caroline Colombo, 72e. Samedi, ce sera le relais messieurs à 17h30 après la très belle course qu'ils nous ont offert il y a deux jours, ça promet. Et dimanche, ce sera le relais féminin à 15h30. Un mot de handball féminin avec le mondial aujourd'hui à 12h30, ce sera France-Danemark. Du basket en National 1 ce soir, le Jet Vosges reçoit le club de Chartres. En Pro B, samedi, Nancy se déplacera à Poitiers. Et en football, il y a de la Ligue 1 et de la Coupe de France ce week-end. Tout d'abord la Ligue 1. Ce soir, Lille reçoit Brest, Nîmes, Lyon. Samedi, Montpellier recevra le PSG, Monaco, Amiens, Nice, Metz, Rennes, Angers, Strasbourg, Toulouse. Dimanche, Reims, Saint-Etienne, Nantes, Dijon et Marseille, Bordeaux. Et au 8e tour de la Coupe de France, samedi, Raoul Étape recevra le club de Boulay. Épinal se déplacera à Mulhouse. Et dimanche, Nancy se déplacera à Vauban. Et Thaon-les-Vosges, qui est sur l'île de la Réunion depuis quelques jours, affrontera le club de Saint-Pierroise. Voilà pour l'actualité sportive. On marque tout de suite la dernière pause avec M. Pokora et le titre Tombé. Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Tu es touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou. Ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Sur RGM, un peu plus de 8h50, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Dans quelques secondes, on écoutera le mouvement Nous voulons des coquelicots. Ensuite, à 11h, ce sera Ours et Carottes. 14h, rediffusion de J'aime et je vous le lis. 15h, Jazz Time. J'ai perdu le fil. Et bien, 21h, ce sera Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.